quoiqu'ils fussent encore au fond de l'ombre obscure, hommes hideux, de traits et d'âge différents, je les distinguais tous, car ils étaient très grands. Je crus voir les titans de l'antique nature. Mais ces géants brumeux décroissaient à mesure qu'ils s'éloignaient du point dont ils étaient partis, et plus ils s'approchaient, plus ils étaient petits. Ils rentraient par degrés dans la stature humaine. La clarté les fondait, ainsi qu'une ombre vaine. Eux que j'avais cru hauts plus que les Apennins, quand ils furent tout près de moi, c'étaient des nains. Et l'ange, se dressant dans la brume indécise, était penché sur eux comme la tour de Pise.